Le chemin de la perfection. Thérèse de Jésus. Lecture en synthèse vocale, markandanwordpress.com, d'après Abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 8. Qu'il importe de se détacher de tout pour ne s'attacher qu'à Dieu. De l'extrême bonheur de la vocation religieuse. Humilité de ta sainte à ce sujet. Qu'une religieuse ne doit point être attachée à ses parents. Du besoin de ne s'attacher qu'à Dieu. Je viens maintenant au détachement dans lequel nous devons être, et qui est de la dernière importance, s'il est parfait. Oui, je le redis encore, il importe de tout, s'il est parfait, car, lorsque nous ne nous attachons qu'à notre seul Créateur, et ne considérons que comme un néant toutes les choses créées, sa souveraine majesté remplit notre âme de tant de vertus, que, pourvu qu'en travaillant de tout notre pouvoir, nous nous avancions peu à peu, nous n'aurons pas ensuite beaucoup à combattre, parce que notre Seigneur s'armera pour notre défense contre les démons et contre le monde. Croyez-vous, mes filles, que ce soit un bien peu considérable que de nous en procurer un aussi grand qu'est celui de nous donner entièrement à Dieu, sans division et sans partage, puisque tous les biens sont en lui comme dans leur source. Rendons-lui mille grâces, mes sœurs, de ce qu'il lui a plu de nous rassembler, et nous unir en un lieu où l'on ne s'entretient d'autre chose. Mais pourquoi vous dire ceci, puisqu'il n'y en a pas une de vous, qui ne soit capable de m'instruire, et qui est si important d'être détaché de tout, je me vois si éloigné de l'être autant que je le souhaiterais, et que je comprends qu'on le doit être. Je pourrais dire la même chose de toutes les vertus, dont je parle dans ce discours, puisqu'il est plus difficile de les pratiquer que de les écrire, et que même je m'acquitte mal de cette dernière chose, parce qu'il n'y a quelquefois que l'expérience qui puisse en faire bien parler. Ainsi, s'il arrive que je ne rencontre pas mal en quelque chose, c'est que les contraires se connaissant par leurs contraires, j'ai appris à connaître ces vertus en tombant dans les vices qui leur sont contraires. Du bonheur de la vocation religieuse. Quant à ce qui est de l'extérieur, on voit assez combien nous sommes séparés de toute chose dans cette retraite, et il semble que notre Seigneur, en nous y amenant, et voulu nous séparer de tout en cette manière pour lever les obstacles qui pourraient nous empêcher de nous approcher de lui. Ô mon Seigneur et mon Maître, comment ai-je pu, en mon particulier, et comment avons-nous pu toutes mériter une si grande faveur, que celle que vous nous avez faite de daigner nous chercher, et nous choisir parmi tant d'autres, pour vous communiquer si particulièrement à nous? Plaise à votre divine bonté, que nous ne nous rendions pas indignes, par notre faute, d'une telle grâce, je vous conjure, mes filles, au nom du Dieu Tout-Puissant, de songer à l'extrême obligation, que nous lui avons de nous avoir amenés en cette maison, que chacune de vous rentre en elle-même pour bien la considérer, et se mettre devant les yeux que les douze seulement, qu'il a plu à sa haute majesté d'assembler ici. Elle a le bonheur d'en être une. Hélas, combien y en a-t-il de meilleurs que moi, qui aurait reçu avec une incroyable joie, la place qu'il lui a plu de m'y donner, quoique j'en fusse si indigne. Soyez béni, mon Sauveur, et que les anges et toutes les créatures, vous louent de cette faveur que je ne puis assez reconnaître, non plus que tant d'autres que vous m'avez faites, entre lesquelles celle de m'avoir appelé à la religion est si grande. Mais comme j'ai très mal répondu à une vocation si sainte, vous n'avez pas voulu, Seigneur, me laisser plus longtemps, sur ma foi, dans un monastère où, entre ce grand nombre de religieuses qu'il y avait, il s'en trouvait tant de vertueuses, parmi lesquelles on aurait pu connaître le dérèglement de ma vie, que j'aurais caché moi-même, comme j'ai fait durant tant d'années. Ainsi, mon Dieu, vous m'avez amené dans cette maison, où n'y ayant qu'un si petit nombre de personnes, il est comme impossible que mes défauts ne soient pas connus, et pour m'engager à veiller davantage sur moi-même, ou m'ôter toutes les occasions qui seraient capables de m'en empêcher. Je confesse donc, ô mon Créateur, qu'il ne me reste maintenant aucune excuse, et que j'ai plus besoin que jamais de votre miséricorde pour obtenir le pardon de mes offenses. Du détachement des parents. Je conjure celles qui jugeront ne pouvoir observer, ce qui se pratique parmi nous de le déclarer avant que de faire profession. Il y a d'autres monastères où Dieu est servi, et où elles peuvent aller, sans troubler ce petit nombre, qu'il lui a plu de rassembler en cette maison. On permet ailleurs aux religieuses de se consoler avec leurs parents, mais ici on ne parle pas à ses parents, si ce n'est pour les consoler eux-mêmes. Toute religieuse qui désire voir ses proches pour sa propre consolation, et qui la seconde fois qu'elle leur parle ne se lasse pas de les voir, à moins qu'ils soient dans la piété, doit se réputer imparfaite, et croire qu'elle n'est point détachée. Son âme est malade, elle ne jouira point de la liberté de l'esprit, elle n'aura point de paix véritable, et elle a besoin d'un médecin. Que si elle ne renonce à cette tâche, et ne se guérit pas de cette imperfection, je lui déclare qu'elle n'est pas propre à demeurer dans ce monastère. Le meilleur remède de ce mal est, à mon avis, de ne pas aimer voir ses parents jusqu'à ce qu'elle se sente délivrée de l'affection de les voir, et qu'elle ait obtenu de Dieu cette grâce, après l'en avoir beaucoup prié. Que si celui est une peine et comme une croix que de les voir, qu'elle les voit quelquefois, j'y consens, afin de leur profiter en quelque chose, ainsi qu'elle leur profilera sans doute, sans se nuire à elle-même. Mais si elle les aime, si elle s'afflige beaucoup de leur peine, et si elle écoute volontiers ce qui se passe à leur sujet dans le monde, elle doit croire qu'elle leur sera utile, et se fera beaucoup tort à elle-même. Chapitre 9. Combien il est utile de se détacher de la trop grande affection de ses proches, et que l'on reçoit plus d'assistance des amis que Dieu nous donne que l'on en reçoit de ses parents. Du détachement des parents. Si nous, qui sommes religieuses, savons quel est le préjudice que nous recevons de converser beaucoup avec nos proches, de quelle sorte ne les fuirions-nous pas? J'avoue que je ne comprends pas, laissant même à part ce qui est de Dieu, quel avantage nous pouvons recevoir d'eux pour notre consolation et notre repos, puisque, ne pouvant-nous ne nous étant permis de prendre part à leur plaisir, nous ne saurions que sentir leur déplaisir, et répandre peut-être plus de larmes sur leur peine qu'ils n'en répandent quelquefois eux-mêmes. Ainsi je puis dire hardiment à ces religieuses que, si elles en reçoivent quelque satisfaction dans leur sens, cette satisfaction coûtera cher à leur esprit. Vous êtes, mes sœurs, bien délivrées de cette crainte dans ce monastère, puisque vous n'avez rien qu'en commun, et qu'ainsi, ne pouvant recevoir d'aumône, qui ne soit pour toute la communauté, nul de vous n'est obligé pour ce sujet d'avoir de la complaisance pour ses parents, et ne peut douter que Dieu ne nous assiste toutes en général, et ne pourvoie à tous vos besoins. Je ne saurais penser, sans étonnement, au dommage que l'on reçoit de converser avec ses proches. Il est tel, que je doute qu'on le puisse croire si on ne l'a éprouvé, et je ne suis pas moins étonné de ce que la perfection de notre état, qui nous oblige de nous en séparer, paraît aujourd'hui si effacée dans la plupart des maisons religieuses, qu'il n'y en reste presque plus aucune trace. Je ne sais pas ce que nous quittons en quittant le monde, nous qui disons que nous quittons tout pour Dieu, si nous ne quittons le principal, qui est nos parents. Cela est venu jusqu'à un tel point, que l'on prétend faire passer pour un défaut de vertu en des personnes religieuses de ne pas aimer beaucoup leurs proches, et l'on veut même prouver, par des raisons, que c'est un défaut de ne pas converser souvent avec eux. Mais, mes filles, ce que nous devons faire, en cette maison, après nous être acquittés des devoirs dont je vous ai parlé, et qui regardent l'Église, c'est de recommander beaucoup nos parents à Dieu. Et des faire ensuite le plus que nous pourrons de notre mémoire ce qui les regarde, parce que c'est une chose naturelle, que d'y attacher notre affection, plutôt qu'aux autres personnes. Mes parents m'ont extrêmement aimé, à ce qu'ils disaient, et je les aimais d'une manière qui ne leur permettait de m'oublier. Mais j'ai éprouvé, en moi-même et en d'autres, qu'excepté les pères et les mères, que l'on voit rarement abandonner leur enfant, et dont, ainsi que de nos frères et de nos sœurs, il n'est pas juste de nous éloigner, lorsqu'ils ont besoin de consolation, et que nous pouvons la leur donner en demeurant toujours dans un parfait détachement. J'ai éprouvé, dis-je, lorsque je me suis vu dans de grands besoins, que tous mes autres proches ont été ceux dont j'ai reçu le moins d'assistance, et je n'ai eu du secours que des personnes qui faisaient profession d'être à Dieu. Croyez, mes sœurs, que si vous le servez fidèlement, vous ne trouverez point de meilleurs parents, je le sais par expérience, et pourvu que vous aimeriez ferme dans cette résolution, dont vous ne pourriez vous départir sans manquer à votre céleste époux, qui est votre ami le plus véritable, vous vous trouverez bientôt délivré de cette attache à vos parents. Assurez-vous aussi que vous pouvez beaucoup plus vous confier en ceux qui ne vous aimeront que pour l'amour de notre Seigneur, que non pas en tous vos parents. Ils ne vous manqueront jamais, et lorsque vous y penserez le moins, vous trouverez en eux et des pères et des frères. Comme ils espèrent en recevoir de Dieu la récompense, ils nous assistent de tout leur pouvoir pour l'amour de lui, au lieu que ceux qui prétendent tirer de nous leur récompense, nous voyant incapables par notre pauvreté de la leur donner, et que nous leur sommes entièrement inutiles, se lassent bientôt de nous assister. Je sais que cela n'est pas général, mais qu'il arrive d'ordinaire, parce que le monde est toujours le monde. Si on vous dit le contraire et qu'on veuille le faire passer pour une vertu, ne le croyez pas. Il vous en arriverait tant de maux, qu'il faudrait m'engager dans un grand discours pour vous les représenter, mais, puisque de plus habiles que moi en ont écrit, je me contenterai de ce que je vous ai dit. Que, si tout imparfaite que je suis, j'ai vu si clairement le préjudice que cela apporte, jugez ce que pourront faire ceux qui sont beaucoup plus intelligents et plus vertueux que moi. Les saints nous conseillent de fuir le monde, et, qui doute que tout ce qu'ils nous disent sur ce sujet ne nous soit très utile? Croyez-moi, comme je vous l'ai déjà dit, rien ne nous y attache tant que nos parents, et rien n'est si difficile que de nous en détacher. J'estime pour cette raison que celles qui abandonnent leur pays font bien, pourvu que cet éloignement les détache de l'affection de leurs proches, car le véritable détachement ne consiste pas à s'éloigner d'eux d'une présence corporelle, mais à s'unir de tout son corps et de toute son âme à Jésus-Christ, parce que trouvant tout en lui, on n'a pas peine à tout oublier pour l'amour de lui, quoique la séparation de nos proches soit toujours fort avantageuse, jusqu'à ce que nous connaissions cette vérité. Mais alors notre Seigneur, pour nous faire trouver de la peine à ceux qui nous donnaient auparavant du plaisir, permettra peut-être que nous serons obligés de converser avec nos parents. Chapitre 10. Qu'il ne s'agit pas de se détacher de ses proches, si on ne se détache de soi-même par la mortification. Que cette vertu est jointe à celle de l'humilité. Qu'il ne faut pas préférer les pénitences que l'on choisit à celles qui sont d'obligation, ni se flatter dans celles que l'on doit faire. Lorsque nous serons ainsi détachés du monde et de nos parents, et que nous vivrons renfermés dans un monastère en la manière que nous avons dite, il semblera peut-être que tout sera fait et qu'il ne nous restera plus d'ennemis à combattre. Ô mes sœurs, n'ayez pas cette opinion, et gardez-vous bien de vous endormir. Vous feriez comme celui qui va se coucher sans crainte, après avoir bien fermé sa porte de peur des voleurs, et qui les aurait dans sa maison. Il n'y en a point de plus dangereux que les domestiques, et comme nous sommes nous-mêmes ces voleurs intérieurs et secrets, et que nous demeurons toujours avec nous-mêmes, si nous ne prenons un soin tout particulier de combattre sans cesse notre volonté, plusieurs choses seront capables de nous faire perdre cette sainte liberté d'esprit, qui, nous dégageant du poids de toutes les choses terrestres, peut nous faire prendre notre vol vers notre céleste Créateur. Il sera fort utile pour ce sujet d'avoir toujours, dans l'esprit que tout n'est que vanité et fini en un moment, afin de détacher notre affection de ces choses passagères, pour l'attacher à ce qui subsistera éternellement. Car bien que ce moyen semble faible, il ne laisse pas de fortifier beaucoup notre âme en faisant, dans les moindres choses, que lorsque nous nous apercevons que notre inclination nous y porte, nous prenons un extrême soin d'en retirer notre pensée pour la tourner toute vers Dieu, en quoi Sa Majesté nous assiste. Que nous lui sommes obligés, en cette maison, de ce qu'en renonçant à nos propres affections, nous avons fait le plus difficile, puisqu'il est certain que ce grand et intime amour, que nous nous portons fait que rien ne nous paraît si rude que cette séparation de nous-mêmes, et cette guerre que nous nous faisons par une mortification continuelle. De l'humilité jointe à la mortification, et au détachement de soi-même. C'est ici que la véritable humilité peut trouver sa place, car il me semble que cette vertu, et celle du renoncement à nous-mêmes se tiennent toujours compagnie, ce sont deux sœurs que nous ne devons jamais séparer, et au lieu que je vous conseille de vous éloigner de vos autres parents, je vous exhorte d'embrasser ceux-ci, de les aimer, et de ne jamais les perdre de vue. Ô souveraine vertu, reine du monde et chers amis de notre Seigneur, vous qui dominez sur toutes les choses créées, et nous délivrez de toutes embûches du démon, celui qui vous possède peut combattre hardiment, contre tout l'enfer uni ensemble, contre le monde tout entier et tous ses attraits, sans avoir peur de quoi que ce soit, parce que le royaume du ciel lui appartient. Que pourrait-il craindre, puisqu'il compte pour rien de tout perdre, et ne compte pas même cette perte pour une perte? Son unique appréhension est de déplaire à son Dieu, et il le prie sans cesse de le fortifier dans ses deux vertus, afin qu'il ne les perde point par sa faute. Elles ont cela de propre de se cacher de telle sorte à celui qu'elles enrichissent, qu'il ne les aperçoit point, ni ne peut croire de les avoir, quoi qu'on puisse lui dire pour le lui persuader, et il les estime tant, qu'il ne se lasse jamais de travailler pour les acquérir, et s'y perfectionner de plus en plus. Or, quoique ceux qui possèdent ces vertus ne veulent c'est pas être estimés tels qu'ils sont en effet, ils se font connaître, contre leur intention, et l'on ne saurait traiter avec eux sans s'en apercevoir aussitôt. Mais quelle folie me fait entreprendre de louer l'humilité et la mortification, après qu'elles ont reçu de si hautes louanges de celui-même qui est le roi de la gloire, et qui l'a fait voir par ses souffrances jusqu'à quel point il les estime? C'est donc ici, mes filles, qu'il faut faire tous vos efforts pour sortir hors de l'Égypte, puisqu'en possédant ces deux vertus, elles seront comme une manne céleste, qui vous fera trouver de la douceur, et des délices dans les choses qui sont les plus âpres, et les plus amères au goût du monde. Ce que nous devons premièrement faire pour ce sujet, est de renoncer à l'amour de notre corps, en quoi il n'y a pas peu à travailler, parce que quelques-unes de nous aiment tant leurs aises et leur santé, qu'il n'est pas croyable combien ces deux choses font une rude guerre, aussi bien aux religieuses qu'aux personnes du monde. Il semble que quelques-unes n'aient embrassé la religion que pour travailler à ne point mourir, tant elles prennent soin de vivre. Je demeure d'accord qu'en cette maison, cela ne se remarque guère dans les actions, mais je voudrais que l'on n'en eût pas même le désir. Faites état, mes sœurs, que vous venez ici à dessein d'y mourir pour Jésus-Christ, et non pas d'y vivre à votre aise pour pouvoir servir Jésus-Christ, comme le diable s'efforce de le persuader, en insinuant que cela est nécessaire pour bien observer la règle. Ainsi, l'on a tant de soin de conserver sa santé pour garder la règle, qu'on ne la garde jamais en effet, et qu'on meurt sans l'avoir accompli entièrement durant un seul mois, ni même peut-être durant un seul jour. J'avoue ne comprendre pas pourquoi nous sommes donc venus ici. Et en vérité, il n'y a pas sujet d'appréhender, que la discrétion nous manque en ce point. Ce serait une grande merveille si cela arrivait, car nos confesseurs craignent aussitôt que nous ne nous fassions mourir par des pénitences excessives, et nous avons par nous-mêmes une telle répugnance à ce manquement de discrétion, que plût à Dieu que nous fussions aussi exacts dans tout le reste. Je sais que celles qui pratiquent fidèlement ces pénitences austères n'en demeureront pas d'accord, et répondront peut-être que je juge des autres par moi-même. Je confesse qu'il est vrai, mais il y en a plus, si je ne me trompe, qui me ressemblent dans ma faiblesse, qu'il n'y en aura qui se trouveront offensés de ce que je crois les autres aussi faibles que je le suis. C'est pour cette raison, à mon avis, que notre Seigneur permet que nous soyons si malsaines, et je considère comme une grande miséricorde qu'il m'a faite, de l'être. Comme il voit que je prends tant de soin de me conserver, il a voulu qu'il y en eût au moins quelques sujets. Des pénitences indiscrètes. C'est une chose singulière de voir les tourments que quelques-uns se donnent, sans que personne les y oblige. Il leur vient quelquefois un caprice de faire des pénitences déréglées et indiscrètes, qui durent environ 2 jours, et le diable leur met ensuite, dans l'esprit qu'elles font tort à leur santé, et qu'après avoir éprouvé combien, elles leur sont préjudiciables, elles ne doivent jamais plus en faire, non pas même celles qui sont d'obligation dans notre ordre. Nous n'observons pas seulement les moindres choses de la règle, comme le silence, quoiqu'il ne puisse nuire à notre santé. Nous ne nous imaginons pas plutôt d'avoir mal à la tête, que nous cessons d'aller au cœur, quoiqu'en y allant nous n'en fussions pas malades. Ainsi nous manquons un jour d'y aller, parce que nous avons mal à la tête, un autre jour, parce que nous y avons eu mal, et 2 ou 3 autres jours, de crainte d'y avoir mal. Et nous voulons, après cela, inventer, selon notre fantaisie, des pénitences, qui ne servent le plus souvent qu'à nous rendre incapables de nous acquitter de celles qui sont d'obligation. Quelquefois même, l'incommodité qu'elle nous cause étant fort petite, nous croyons devoir être déchargés de tout, et satisfaire à notre devoir, pourvu que nous demandions permission. Vous me demanderez sans doute pourquoi la prieure vous donne donc ces permissions. Je réponds que si elle pouvait voir le fond de votre cœur, elle ne vous la donnerait peut-être pas. Mais comme vous lui représentez qu'il y a de la nécessité, et ne manquez ni d'un médecin qui confirme ce que vous dites, ni d'une amie ou d'une parente qui vient pleurer auprès d'elle, quoique la pauvre mère juge qu'il y a de l'abus, que peut-elle faire? La crainte de manquer à la charité la met en scrupule, elle aime mieux que la faute tombe sur vous que non pas sur elle, et elle appréhende de faire un mauvais jugement de vous. Ô mon Dieu, pardonnez-moi si je dis que je crains fort que ces sortes de plaintes ne soient déjà passées en coutume parmi les religieuses. Comme elles sont du nombre des choses qui peuvent arriver quelquefois, j'ai cru, mes filles, en devoir parler ici, afin que vous y preniez garde. Car si le démon commence à nous effrayer par l'appréhension de la ruine de notre santé, nous ne ferons jamais rien de bon. Dieu veuille nous donner, par sa grâce, la lumière dont nous avons besoin pour nous bien conduire en toutes choses. Chapitre 11. Ne pas se plaindre pour de légères indispositions. Souffrir de grands maux avec patience. Ne point appréhender la mort, et quel bonheur c'est que d'assujettir le corps à l'esprit. Il me semble, mes sœurs, que c'est une très grande imperfection, que de se plaindre sans cesse pour de petits maux. Si vous les pouvez souffrir, souffrez-les. S'ils sont grands, ils se plaindront assez d'eux-mêmes par une autre manière de plainte, et ne pourront pas longtemps être cachés. Considérez qu'étant ici en petit nombre, si vous avez de la charité, et que l'une de vous prenne cette mauvaise coutume, elle donnera beaucoup de peine à toutes les autres. Quant à celles qui seront véritablement malades, elles doivent le dire et souffrir, qu'on les assiste de ce qui leur sera nécessaire. Que si vous êtes une fois délivré de l'amour-propre, vous ressentez de telle sorte jusqu'au moindre des bons traitements qu'on vous fera, qu'il ne vous faudra pas craindre que vous en preniez aucun sans nécessité, ni que vous vous plaigniez sans sujet. Mais quand vous en aurez un légitime, il sera aussi à propos de le dire, qu'il serait mal de prendre du soulagement sans besoin. On aurait même grand tort si l'on manquait alors de soins à vous assister, et vous ne sauriez douter qu'on ne le fasse dans une maison de raison et de charité comme celle-ci, où le nombre des personnes qui y demeuraient si petit, qu'il est facile d'y remarquer les besoins les unes des autres. Désaccoutumez-vous donc de vous plaindre de certaines faiblesses et indispositions de femmes qui ne sont pas de longue durée, et dont le diable remplit quelquefois l'imagination. Contentez-vous d'en parler seulement à Dieu, autrement vous courez risque de n'en être jamais délivré. J'insiste beaucoup sur ce point, parce que je l'estime fort important, et je crois que c'est l'une des choses qui cause le plus de relâchement dans les monastères. Car plus on flatte le corps, plus il s'affaiblit et demande qu'on le caresse. C'est une chose étrange que les prétextes que cette inclination lui fait trouver pour se soulager dans ses maux, quelque léger qu'il puisse être, il trompe ainsi l'âme et l'empêche de s'avancer dans la vertu. Songez, je vous prie, combien il y a de pauvres malades, qui n'ont pas seulement à qui se plaindre, puisque ces deux choses ne s'accordent point ensemble, d'être pauvre et d'être bien traité. Représentez-vous aussi combien il y a de femmes mariées, car je sais qu'il y en a beaucoup et de bonnes conditions, qui, bien qu'elles souffrent de grandes peines, n'osent s'en plaindre, de peur de fâcher leur mari. Hélas, pécheresses que nous sommes, sommes-nous donc venus en religion pour être plus à notre aise qu'elles n'y sont? Puisque vous êtes exemptes des travaux X que l'on souffre dans le monde, apprenez au moins à souffrir quelque chose pour l'amour de Dieu, sans que tout le monde le sache. Une femme mal mariée n'ouvre pas la bouche pour se plaindre, mais souffre son affliction sans s'en consoler avec personne, de crainte que son mari ne sache qu'elle se plaint, et nous ne souffririons pas entre Dieu, et nous quelques-unes des peines que méritent nos péchés, principalement lorsque nos plaintes seraient inutiles pour les soulager. Je ne prétends point en ceci parler des grands maux, tels que sont une fièvre violente, quoique je désire qu'on les supporte toujours, avec modération et patience, mais j'entends parler de ces légères indispositions, que l'on peut souffrir sans se mettre au lit, et sans donner de la peine à tout le monde. Que si ce que j'écris était vu hors de cette maison, que diraient de moi toutes les religieuses? Mais que de bon cœur je le souffrirais, si cela pouvait servir à quelqu'une. Car, lorsqu'il s'en trouve une seulement, dans un monastère qui se plaint ainsi sans sujet des moindres maux, il arrive que le plus souvent, on ne veut plus croire les autres, quelque grand que soient les maux dont elles se plaignent. Souffrir patiemment les grands maux. Remettons-nous devant les yeux les saints ermites des siècles passés, que nous considérons comme pères, et dont nous prétendons imiter la vie. Combien de travaux et de douleurs, souffraient-ils dans leur solitude par l'extrême rigueur du froid, par l'excessive ardeur du soleil, par la faim et par tant d'autres incommodités, sans avoir à qui s'en plaindre, sinon à Dieu seul. Croyez-vous donc qu'ils fussent de fer, et non pas de chair et d'os comme nous? Tenez pour certain, mes filles, que lorsque nous commençons à vaincre, et à nous assujettir nos corps, il ne nous tourmente plus tant. Assez d'autres prendront soin de ce qui vous est nécessaire, et ne craignez point de vous oublier vous-même, à moins qu'une évidente nécessité ne vous oblige de vous en souvenir. Si nous nous sommes résolus de fouler aux pieds l'appréhension de la mort et la perte de notre santé, nous ne ferons jamais rien de bon. Efforcez-vous donc, pour en venir là, de vous abandonner entièrement à Dieu, quoi qu'il puisse vous en arriver. Car que nous importe de mourir? Ce misérable corps s'étant tant de fois moqué de nous, n'aurons-nous pas le courage de nous moquer au moins une fois de lui? Croyez-moi, mes sœurs, cette résolution est d'une plus grande conséquence que nous ne saurions nous l'imaginer, puisque si nous nous accoutumons à traiter notre corps avec cette fermeté, nous nous l'assujettirons peu à peu, et en deviendront enfin les maîtresses. Or c'est un grand point pour demeurer victorieux dans les combats de cette vie, que d'avoir vaincu un tel ennemi. Je prie Dieu, qui seul en a le pouvoir, de nous en faire la grâce. Je crois qu'il n'y a que ceux qui jouissent déjà du plaisir de cette victoire qui soient capables de comprendre l'avantage qu'elle nous apporte. Il est si grand, que je me persuade que si quelqu'un le pouvait connaître avant que de le posséder, il souffrirait tout sans peine pour jouir de ce repos et de cet empire sur soi-même. Chapitre 12. De la nécessité de la mortification intérieure. Qu'il faut mépriser la vie et assujettir notre volonté. Quelle imperfection c'est que j'affecter les prééminences, être maître pour ne pas y tomber. Il faut passer à d'autres choses, qui, bien qu'elles semblent peu importantes, le sont beaucoup. Tout paraît pénible dans la vie que nous menons, et avec raison, vu que c'est une guerre continuelle, que nous nous faisons à nous-mêmes. Mais lorsque nous commençons à combattre, Dieu agit dans nos âmes, et nous favorise de tant de grâce, que tout ce que nous pouvons faire et souffrir, nous paraît léger. Or, puisqu'en nous rendant religieuses, nous avons fait le plus difficile, qui est d'engager pour l'amour de Dieu, notre liberté en l'assujettissant au pouvoir d'autrui, et de nous obliger à jeûner, à garder le silence, à demeurer en clôture, à assister au cœur et à l'office, et à tant d'autres travaux, sans que, quelque désir que nous eussions de nous soulager, nous ne le puissions que très rarement, ayant peut-être été là. Seul à qui cela soit arrivé dans tant de monastères où j'ai été, pourquoi ne travaillerions-nous pas à mortifier aussi notre intérieur, puisqu'étant bien réglé, l'extérieur le sera aussi, écu. Où il n'y aura rien que nous ne fassions non seulement, avec plus de perfection et de mérite, mais avec beaucoup de douceur et de repos. Cela s'acquiert peu à peu, comme je l'ai dit, en résistant même dans les moindres choses à notre propre volonté, jusqu'à ce que notre corps soit entièrement assujetti à notre esprit. Je le redis encore. Tout, ou presque tout consiste à renoncer aux soins de nous-mêmes et à ce qui regarde notre satisfaction. Et le moins que puisse faire celui qui commence à servir Dieu véritablement, c'est de lui offrir sa vie après lui avoir donné sa volonté. Que peut-on craindre en la lui offrant, puisque toutes les personnes véritablement religieuses ou unies à Dieu par la prière, et qui prétendent recevoir de lui des faveurs, ne sauraient ne vouloir point mourir pour lui, et porter leur croix pour le suivre sans tourner jamais la tête en arrière? Ne savez-vous pas, mes sœurs, que la vie d'un bon religieux, et de celui qui aspire à être du nombre des plus chers amis de Dieu, est un long martyr? Je dis long en comparaison de ceux à qui l'on tranche la tête, quoiqu'on le puisse nommer court eu égard à la brièveté de cette vie, qui ne pouvant jamais être longue, se trouve quelquefois l'être très courte. Et que savons-nous si la nôtre ne finira point une heure, ou même un moment après que nous aurons pris la résolution de servir Dieu? Car cela ne pourrait-il pas arriver, puisqu'on ne saurait faire de fondement certain sur une chose qui doit finir, et moins encore sur cette vie qui n'a pas seulement un jour d'assuré? Ainsi en pensant qu'il n'y a point d'heure, qui ne puisse être notre dernière, qui sera celui qui ne voudra pas bien l'employer? Croyez-moi, mes sœurs, le plus sûr est d'avoir toujours ces pensées devant les yeux. Apprenons donc à contredire en toute chose notre volonté, car, encore que vous n'en veniez pas si tôt à bout, néanmoins si vous y travaillez avec soin, et par le moyen de l'oraison, vous arriverez insensiblement et sans y penser, au comble de cette vertu. Il est vrai qu'il paraît bien rude de dire, que nous ne devons faire notre volonté en rien, mais c'est lorsqu'on ne dit pas en même temps combien de plaisir et de consolation, accompagne cette mortification, et les avantages qu'on en tire même durant cette vie. Ainsi, comme vous la pratiquez toutes, n'ai-je pas raison de dire que le plus difficile est déjà fait? Vous vous entre-excitez, vous vous entraidez, et chacune de vous s'efforce en cela de surpasser sa compagne. Contre les désirs des prééminences et de la vanité, il faut apporter un extrême soin à réprimer nos mouvements intérieurs, principalement en ce qui concerne la préférence. Dieu nous garde, par sa sainte passion, d'avoir jamais volontairement ses pensées dans notre esprit, ou ses paroles dans notre bouche. Il y a plus longtemps que je suis dans l'ordre que non pas cet autre, je suis plus âgé que celle-ci, j'ai plus travaillé que celle-là, on traite une telle mieux que moi. Il faut rejeter ses pensées à l'instant qu'elles se présentent, car si vous vous y arrêtiez ou vous en entreteniez avec d'autres, elles deviendraient comme un poison, et comme une peste qui produirait de grands maux dans le monastère. Que s'il arrive que votre supérieur, y consentez le souffre pour peu que ce soit, croyez que Dieu a permis pour vos péchés qu'elle ait été établie dans cette charge, afin d'être le commencement de votre perte. Implorez de tout votre cœur le secours du ciel, et que toutes vos oraisons tendent à obtenir le remède qui vous est nécessaire dans un tel besoin. Puisque vous êtes sans doute en péril, il y en aura peut-être qui demanderont pourquoi j'insiste tant sur ce point, et croiront que ce que je dis est trop sévère, puisque Dieu ne laisse pas de répandre ses faveurs sur ceux qui ne sont pas, dans un si parfait détachement. Je crois que lorsque cela arrive, c'est parce qu'il connaît par sa sagesse infinie, que ses amants ont besoin pour pouvoir, se résoudre d'abandonner toute chose pour l'amour de lui. Mais je n'appelle pas abandonner toute chose d'entrer en religion, puisqu'on peut trouver encore des attaches, et des liens dans la religion même, et que, au contraire, il n'y a point de lieu où une âme parfaite, ne puisse être dans le détachement et l'humilité. Il est vrai néanmoins qu'il faut plus travailler pour cela en certains lieux que non pas en d'autres, et que l'on trouve de grands secours dans la retraite. Mais, croyez-moi, pour peu qu'il reste d'affection pour l'honneur ou pour le bien, ce qui peut arriver comme ailleurs dans les monastères, encore qu'il y en ait moins d'occasion et que la faute serait bien plus considérable, celle-là même qui aurait passé beaucoup d'années dans l'exercice de l'oraison, ou pour mieux dire de la spéculation, car la parfaite oraison corrige enfin ses mauvaises inclinations, ne s'avanceront jamais guère, et ne goûteront point le véritable fruit de l'oraison. Quoique ces choses semblent n'être que des bagatelles, considérez, mes sœurs, combien il vous importe de vous y bien conduire, puisque vous n'êtes venus ici que pour ce sujet. Que si vous en usez autrement, vous ne serez pas plus honoré pour avoir recherché un faux honneur, et vous perdrez au lieu de gagner, ou pour mieux dire, la honte sera jointe à votre perte. Que chacune de vous considère combien elle avance dans l'humilité, et elle connaîtra combien elle aura avancé dans la piété. Il me semble que pour ce qui regarde les prééminences, le démon oserait tenter, non pas même d'un premier mouvement, une personne qui est véritablement humble, parce qu'il est trop clairvoyant pour ne pas craindre que l'affront lui en demeure. Il sait que s'il attaque par cet endroit, une âme qui a de l'humilité, il est impossible qu'elle ne se fortifie encore davantage, dans cette vertu en faisant une réflexion sérieuse sur toute sa vie, car alors elle verra le peu de service qu'elle a rendu à Dieu, les extrêmes obligations dont elle lui est redevable, ce merveilleux abaissement qu'il a fait descendre jusqu'à elle, pour lui donner un exemple d'humilité, la multitude de ses péchés. Et le lieu où il lui avait fait mériter d'être précipité, ce qui lui donnera une confusion qui lui sera si avantageuse, que cet ennemi de notre cellule n'aura pas, comme je l'ai dit, la hardiesse de recommencer à la tenter, sachant bien que tous ses efforts, seraient également honteux et inutiles. J'ai sur cela un avis à vous donner, que je vous prie de graver pour jamais dans votre mémoire, c'est que si vous désirez de vous venger du démon, et d'être bientôt délivré de ces sortes de tentations, il ne faut pas seulement en tirer de l'avantage dans votre intérieur, puisque ce serait une grande imperfection d'y manquer, mais tâchez de faire que les sœurs en profitent, aussi par la manière dont vous vous conduirez en l'extérieur. Ainsi découvrez aussitôt à la prieure, cette tentation que vous avez eue, suppliez-la instamment de vous ordonner de faire quelque chose de vil et de bas, ou bien faites-le vous-même le mieux que vous pourrez. Travaillez à surmonter votre volonté dans les choses où elle aura de la répugnance, que notre Seigneur ne manquera pas de vous découvrir, et pratiquez les mortifications publiques, qui sont en usage dans cette maison, par ce moyen votre tentation ne durera guère, et il n'y a rien que vous ne soyez obligé de faire pour empêcher qu'elle ne dure longtemps. Dieu nous garde de ces personnes qui veulent allier l'honneur ou la crainte du déshonneur avec son service. Jugez, je vous prie, combien serait malheureux l'avantage que vous pourriez en espérer, puisque, comme je l'ai déjà dit, l'honneur se perd en le cherchant, principalement en ce qui regarde la préférence dans les charges, ni l'empoint de poison qui tue si promptement le corps que cette dangereuse inclination tue, si l'on peut parler ainsi, la perfection dans une âme. Vous direz peut-être que comme ce sont de petites choses, et naturelles à tout le monde, on ne doit pas s'en mettre beaucoup en peine, ne vous y trompez pas, je vous prie, et gardez-vous bien de les négliger, puisqu'elles s'augmentent peu à peu dans les monastères, comme on voit peu à peu s'élever l'écume. Il n'y a rien de petit quand le péril est aussi grand qu'il est dans ces points d'honneur, où l'on s'arrête à faire des réflexions sur le tort que l'on peut nous avoir fait. Voulez-vous en savoir une raison entre plusieurs autres, c'est que le diable ayant commencé à vous tenter par une chose très peu considérable, il la fera paraître aussi importante à l'une de vos sœurs, qu'elle croira faire une action de charité en vous disant, qu'elle ne comprend pas comment vous pouvez endurer un tel affront, qu'elle prie Dieu de vous donner de la patience, que vous lui devez offrir cette injure, et qu'un saint ne pourrait pas souffrir davantage. Enfin cet esprit infernal envenime de telle sorte la langue de cette religieuse, qu'encore que vous soyez résolu de souffrir ce déplaisir, il vous reste une tentation de complaisance, et de vaine gloire de l'avoir souffert, quoique ce n'ait été avec la perfection que vous voudriez, car notre nature est si faible, que lors même que nous retranchons les sujets de vanité, en disant que cela ne mérite pas de passer pour une souffrance. Nous ne laissons pas de croire que nous avons fait quelque action de vertu, et de le sentir, à combien plus forte raison donc le sentirons-nous, quand nous verrons que les autres en sont touchés pour l'amour de nous? Ainsi notre peine s'augmente, nous nous imaginons d'avoir raison, nous perdons les occasions de mériter, notre âme demeure faible et abattue, et nous ouvrons la porte aux démons pour revenir encore plus dangereusement nous attaquer. Il pourra même arriver que lorsque vous serez dans la résolution de souffrir avec patience, quelques-unes vous viendront demander si vous essayez donc une stupide et une bête, et s'il n'est pas juste d'avoir quelques sentiments des injures que l'on nous fait. Au nom de Dieu, mes chères filles, que nul de vous ne se laisse aller à cette indiscrète charité de témoigner de la compassion en ce qui regarde ces injures et ces torts imaginaires, puisque ce serait imiter les amis et la femme du bienheureux Job. Chapitre 13. Suite du discours de la mortification. Combien il importe de déraciner promptement une mauvaise coutume, et fuir le désir d'être estimé. Qu'il ne faut pas se battre de recevoir les religieuses à faire profession. Je ne me contente pas de vous l'avoir souvent dit, mes sœurs, je veux encore vous le laisser par écrit, afin que vous ne l'oubliez jamais. Non seulement toutes celles qui seront en cette maison, mais toutes les personnes qui désirent d'être parfaites doivent fuir de milieu de tels et semblables discours, j'avais raison, on m'a fait tort, il n'y avait nulle apparence de me traiter de la sorte Dieu nous garde, s'il lui plaît, de ces mauvaises raisons. Y avait-il donc à votre avis quelque raison pour faire souffrir, tant d'injures à Jésus-Christ notre Sauveur qui était la bonté même, et pour le traiter avec des injustices, et des cruautés si opposées à toutes sortes de raisons? J'avoue que je ne conçois pas, ce que peut faire une religieuse dans un monastère, lorsqu'elle ne veut point porter d'autres croix, que celles qui sont fondées en raison. Elle ferait beaucoup mieux de retourner dans le monde d'où toutes ces belles raisons, ne l'empêcheraient pas de souffrir mille déplaisirs. Pouvez-vous donc endurer des chauds? C'est si rude que vous ne méritiez pas de souffrir encore davantage? Et quelle raison pouvez-vous avoir de vous plaindre? Pour moi, je confesse que je ne saurais le comprendre. Lorsqu'on nous rend de l'honneur, que l'on nous caresse et que l'on nous traite favorablement, c'est alors que nous devrions nous servir de ces raisons, puisque c'est sans doute contre toutes sortes de raisons, que nous sommes bien traités durant cette vie. Mais quand on nous fait quelque tort, car c'est le nom que l'on donne à des choses qui ne le méritent pas, sans en effet nous faire tort, je ne vois pas quel sujet nous pouvons avoir de nous en plaindre. Nous sommes les épouses d'un roi éternel ou nous ne le sommes pas. Si nous le sommes, y a-t-il quelque honnête femme qui, soit qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, ne participe point aux outrages que l'on fait à son mari, vu que tous les biens et les maux leur sont communs, et puisqu'en qualité d'épouse, nous prétendons de régner avec notre époux dans le comble de son bonheur et de sa gloire, n'y aurait-il pas de la folie à ne vouloir point participer à ses injures et à ses travaux? Dieu nous préserve, s'il lui plaît, d'un désir si extravagant. Mais au contraire que celle d'entre nous, qui passera pour la moins considérée se croit la plus heureuse, ainsi que véritablement elle le sera, puisque, supportant ce mépris comme elle le doit, elle ne saurait manquer d'être honorée dans cette vie et dans l'autre. Croyez-moi donc en cela, mes filles. Mais quelle folie à moi de dire, que l'on me croit en une chose que la sagesse a créée, dit elle-même. Tâchons d'imiter en quelque sorte, l'extrême humilité de la Sainte Vierge, dont nous avons l'honneur de porter l'habit. Étant ces religieuses, ce seul nom nous doit remplir de confusion, puisque quelque grand que nous paraisse notre humilité, elle est si éloignée de celle que nous devrions avoir pour être les véritables filles d'une telle mère, et les dignes épouses d'un tel époux. Contre les mauvaises coutumes et la vanité, que si l'on ne travaille promptement à déraciner ces imperfections dont j'ai parlé, ce qui paraît aujourd'hui n'être rien deviendra peut-être demain un péché véniel, et si dangereux que, si on le néglige, il sera suivi de beaucoup d'autres. Ainsi vous voyez combien cela est à craindre dans une congrégation, et combien celles qui sont sujettes à ces défauts, sont obligées d'y prendre garde, afin de ne pas nuire aux autres, qui travaillent pour notre bien par le bon exemple qu'elles nous donnent. Si nous savions quel malheur c'est de laisser introduire une mauvaise coutume, nous aimerions mieux mourir que d'en être cause, car la mort du corps est peu considérable, au lieu que les maux qui peuvent tirer après eux la perte des âmes, sont si grands qu'ils me paraissent sans fin, à cause que de nouvelles religieuses remplissant la place des anciennes à mesure qu'elles meurent, il arrivera peut-être qu'elles imiteront plutôt un seul mauvais exemple qu'elles auront remarqué, que plusieurs vertus qu'elles auront vues, parce que le démon nous renouvelle continuellement le souvenir de l'année que notre infirmité nous fait oublier les autres, si nous n'y prenons extrêmement garde, et n'implorons sans cesse le secours de Dieu. Ne pas se hâter de faire des professes. Oh, qu'une religieuse qui se sent incapable d'observer les règles établies dans cette maison, ferait une grande charité et rendrait un service agréable à Dieu, si elle se retirait avant que de faire profession, et laissait ainsi les autres en paix. Pour moi, si j'en étais cru, il n'y a point de monastère où, avant que de recevoir une telle personne à faire profession, on éprouva durant plusieurs années, si elle ne se corrigerait point. Je ne parle pas maintenant des fautes qui regardent la pénitence et les jeûnes, parce que, encore que ce soit des fautes, elles ne sont pas si dangereuses que les autres, mais j'entends parler de ces imperfections qui consistent à prendre plaisir d'être estimées, à remarquer les fautes d'autrui sans remarquer jamais les siennes, et autres semblables qui procèdent sans doute d'un défaut d'humilité. Car s'il y en a quelqu'une en qui ces défauts se rencontrent, et à qui Dieu ne donne pas, après plusieurs années, la lumière nécessaire pour les connaître et s'en corriger, gardez-vous bien de la retenir davantage parmi vous, puisqu'elle n'y aurait jamais de repos, ni ne vous permettrait jamais d'en avoir. Je ne puis penser sans douleur, qu'il arrive souvent que des monastères, pour ne pas rendre l'argent que des filles y ont apporté, ou par crainte de faire quelque déshonneur à leurs parents, enferment dans leur maison le larron qui leur vole leur trésor. Mais n'avons-nous pas en celle-ci renoncé à l'honneur du monde, puisque des pauvres tels que nous sommes, ne peuvent prétendre d'être honorés? Et quelle serait donc notre folie de vouloir que les autres le fussent à nos dépens? Notre honneur consiste, mes sœurs, à bien servir Dieu, et ainsi celle qui se sentira capable de vous détourner d'un si grand bien, doit se retirer et demeurer chez elle, avec cet honneur qui lui est si cher. C'est pour ce sujet que nos saints-pères ont ordonné une année de noviciat, et je souhaiterais qu'on ait reçu ici les religieuses à profession qu'au bout de 10 ans, car, si elles sont humbles, ce retardement ne leur fera point de peine, sachant que, pourvu qu'elles soient bonnes, on ne les renverra pas, Et si elles ne sont pas hommes? Bleu, pourquoi veulent-elles nuire à cette assemblée de saintes âmes, qui se sont consacrées à Jésus-Christ? Quand je parle de celles qui ne sont pas bonnes, je n'entends pas dire par là qu'elles soient vaines, puisque j'espère, avec la grâce de Dieu, qu'il n'y en aura point de telles dans cette maison, mais j'appelle n'être pas bonne de n'être pas mortifiée, et d'avoir au contraire de l'attachement au monde, et à elle-même dans les choses que j'ai dites. Que celle qui sait en sa conscience qu'elle n'est pas fort mortifiée me croit, donc et ne fasse point profession, si elle ne veut dès ce monde trouver un enfer. Dieu veuille qu'elle ne le trouve pas aussi en l'autre, puisqu'elle a beaucoup de choses qui l'y conduisent, que ni elle-même ni les autres, ne comprennent peut-être pas si bien que moi. Que si elle n'ajoute foi à ses paroles, le temps lui fera connaître que je dis vrai. Car nous ne prétendons pas seulement ici de vivre comme des religieuses, mais de vivre comme des ermites, à l'imitation de nos saints pères des siècles passés, et par conséquent à nous détacher de l'affection de toutes les choses créées. Aussi voyons-nous que notre Seigneur fait cette faveur à celle qu'il a particulièrement choisie pour le servir dans ce monastère, et qu'encore que ce ne soit pas avec toute la perfection qui serait à souhaiter, il paraît visiblement qu'elles y tendent par la joie qu'elles ont de considérer, qu'elles n'auront jamais plus de commerce avec les choses qui regardent cette misérable vie, et par le plaisir qu'elles prennent à tous. Les exercices de la sainte religion. Je le dis encore, que celles qui sentent avoir quelque inclination pour les choses de la terre, et ne s'avancent pas dans la vertu, n'est point propre pour ce monastère, mais elle peut aller dans un autre, si elle veut être religieuse, que si elle ne le fait pas, elle verra ce qui lui en arrivera, au moins elle n'aura pas sujet de se plaindre de moi, qui ai commencé d'établir cette maison, ni de m'accuser comme si je ne l'avais pas averti de la manière dont on doit y vivre. S'il peut y avoir un ciel sur la terre, celui-ci en est un sans doute pour les âmes qui, n'ayant d'autre désir que de plaire à Dieu, méprisent leur satisfaction particulière, et la vie qui s'y pratique est très sainte. Que si quelqu'une de vous désire autre chose que de contenter Dieu, elle ne saurait y être contente, parce qu'elle ne l'y trouvera pas. Une âme mécontente est comme une personne dégoûtée à qui les meilleures viandes, que les personnes saines mangeraient avec le plus d'appétit, font mal au cœur. Ainsi elle fera mieux son salut en qu'elle qu'autre lieu, et il pourra arriver que peu à peu, elle y acquerra la perfection qu'elle ne pouvait souffrir ici à cause qu'on l'y embrasse tout d'un coup, car bien qu'en ce qui regarde l'intérieur, on y donne du temps pour se détacher entièrement de l'affection de toutes choses, et pour pratiquer la mortification, il est vrai que, pour ce qui regarde l'extérieur, on en donne fort peu, à cause du dommage qu'en pourraient recevoir les autres. Sœur. Que si, marchant en si bonne compagnie, et voyant que toutes les autres pratiquent ce que j'ai dit, l'on ne s'avance pas en un an, je crois que l'on ne s'avancera pas en plusieurs années. Ce n'est pas que je prétends que cette personne s'en acquitte aussi parfaitement que les autres, mais au moins ne doit-elle faire connaître que la santé de son âme se fortifie peu à peu, et qu'ainsi sa maladie n'est pas mortelle. Chapitre 14. Bien examiner la vocation des filles qui se présentent pour être religieuses. Se rendre plus facile à recevoir celles qui ont de l'esprit, et renvoyer celles qui ne sont pas propres à la religion, sans s'arrêter à ce que le monde peut dire. Bien examiner la vocation des religieuses. Je ne doute point que Dieu ne favorise beaucoup celles qui se présentent avec bonne intention pour être reçues, c'est pourquoi il faut bien examiner quel est leur dessein, et si elles ne sont pas seulement poussées par l'espérance d'y être plus commodément que dans le monde, ainsi qu'on le voit aujourd'hui arriver à plusieurs. Ce n'est pas que, quand elles auraient même cette pensée, notre Seigneur ne puisse la corriger, pourvu que ce soit des personnes de bon sens, car si elles en manquent, il ne faut point les recevoir, parce qu'elles ne seraient pas capables de comprendre les bons avis qu'on leur donnerait pour leur découvrir ce qu'il y aurait eu de défectueux dans leur entrée, et leur montrer ce qu'elles devraient faire pour le réparer. à cause que la plupart de celles qui ont peu d'esprit croient toujours savoir mieux que les plus sages ce qui leur est propre, et ce mal me semble incurable, parce qu'il arrive très rarement qu'il ne soit point accompagné de malice. Or, quoiqu'on le puisse tolérer dans une maison où il y aurait quantité de religieuses, on ne le saurait souffrir dans le petit nombre que nous sommes. Mais lorsqu'une personne de bon sang commence à s'affectionner au bien, elle s'y attache fortement, parce qu'elle connaît que c'est le meilleur et le plus sûr, et encore qu'elle n'avance pas beaucoup dans la vertu, elle pourra servir aux autres en plusieurs choses, particulièrement par ses bons conseils, sans donner de la peine à personne, au lieu que quand l'esprit manque, je ne vois pas en quoi elle pourrait être utile à une communauté. Mais je vois bien qu'elle lui pourrait être fort nuisible. Ce défaut d'esprit ne peut pas sitôt se reconnaître, parce qu'il y en a plusieurs qui parlent bien, et qui comprennent mal ce qu'on leur a dit, et d'autres qui, encore qu'elles parlent peu et assez mal, raisonnent bien en plusieurs choses. Il y en a d'autres qui, étant dans une sainte simplicité, sont très ignorantes en ce qui regarde les affaires et la manière d'agir du monde, et fort savantes en ce qui doit se traiter avec Dieu. C'est pourquoi il faut beaucoup les observer avant que de les recevoir, et extrêmement les éprouver avant que de les faire professe. Que le monde sache donc, une fois pour toutes, que vous avez la liberté de les renvoyer, parce que dans un monastère où il y a autant d'austérité qu'en celui-ci, vous pouvez avoir plusieurs raisons qui vous y obligent, et lorsqu'on saura que nous en usons ordinairement de la sorte, on ne nous en fera plus une injure. Je dis ceci, parce que le siècle où nous vivons, est si malheureux et notre faiblesse si grande, qu'encore que nos cinq prédécesseurs, nous est expressément recommandé de n'avoir point d'égard à ce que le monde considère comme un déshonneur, néanmoins la crainte de fâcher des parents, et afin d'éviter quelques discours peu importants qui se tiendraient dans le monde, nous manquons à pratiquer cette ancienne et si louable coutume. Dieu veuille que celles qui les recevront ainsi n'en soient pas châtiées en l'autre vie, quoiqu'elles ne manquent jamais de prétexte pour faire croire que cela se peut légitimement. Ceci vous est à toutes si important, que chacune doit le considérer en particulier, le fort recommander à notre Seigneur, et encourager la supérieure d'y prendre soigneusement garde. Je prie Dieu, de tout mon cœur, qu'il vous donne la lumière qui vous est nécessaire pour ce sujet. Je suis persuadé que lorsque la supérieure examine sans intérêt et sans passion ce qui est le plus utile pour le bien du monastère, Dieu ne permet jamais qu'elle se trompe, et qu'au contraire elle ne peut sans faillir se laisser aller à ses fausses compassions et ses impertinentes maximes d'une prudence toute séculière et toute humaine. Chapitre 15. Du grand bien que c'est de ne se point excuser, encore que l'on soit repris sans sujet. Ayant dessein de vous exhorter maintenant à pratiquer une vertu d'un mérite telle qu'est celle de ne s'excuser jamais, j'avoue que c'est avec une grande confusion d'avoir si mal pratiqué moi-même ce que je me trouve obligé d'enseigner aux autres, parce qu'il est vrai que je m'imagine toujours avoir quelque raison de croire que je fais mieux de m'excuser. Ce n'est pas que cela ne soit permis en de certaines rencontres, et que ce ne fût même une faute d'y manquer, mais je n'ai pas la discrétion, ou pour mieux dire l'humilité qui me serait nécessaire pour faire ce discernement. Car c'est sans doute une action de fort grande humilité, et imiter notre Seigneur, de se voir condamné sans avoir tort, et de se taire. Je vous prie donc de tout mon cœur de vous y appliquer avec soin, puisque vous pouvez en tirer un grand avantage, et qu'au contraire je n'en vois point à vous excuser, si ce n'est, comme je l'ai dit, en certaines occasions qui pourraient causer de la peine, si on ne disait pas la vérité. Celui qui aura plus de discrétion que je n'en ai, comprendra aisément ceci, et je crois qu'il importe beaucoup de s'exercer à cette vertu, ou de tâcher d'obtenir de notre Seigneur, une véritable humilité qui en est comme la source, car celui qui est véritablement humble, désir d'être mésestimé, persécuté et condamné, quoiqu'il n'en ait point donné sujet. que si vous voulez imiter notre Seigneur, en quoi le pouvez-vous mieux, puisqu'on n'a pour cela, ni de force corporelle, ni de secours que de Dieu seul? Je souhaiterais, mes sœurs, que nous nous efforçassions de mettre notre dévotion à pratiquer ces grandes vertus, plutôt qu'à faire des pénitences excessives, dans lesquelles vous savez que je vous conseille d'être retenues, parce qu'elles peuvent nuire à la santé, si elles ne sont accompagnées de discrétion, au lieu que, quelque grand que soient les vertus intérieures, il n'y a rien du tout à craindre, puisqu'en fortifiant un « Amel » ne diminue point les forces nécessaires au corps pour pouvoir servir la communauté, et que, comme je vous l'ai dit autrefois, on peut, dans la pratique des petites choses, se rendre capable de remporter la victoire dans les grandes. Mais que cela est aisé à dire, et que je le pratique mal. Il est vrai que je n'ai jamais pu l'éprouver en des choses de conséquence, puisque je n'ai jamais entendu dire de mal de moi, que je n'ai vu clairement qu'il y avait sujet d'en dire beaucoup plus, parce qu'encore que ce qu'on en disait, ne fût pas tout à fait semblable, j'avais en plusieurs autres choses offensé Dieu, et qu'ainsi on m'épargnait en n'en parlant point, joint que je suis toujours plus aise que l'on me blâme. Ce que je n'ai pas fait que non pas de ce que j'ai fait, il sert beaucoup, pour acquérir cette vertu, de considérer qu'on ne peut rien perdre, et qu'on gagne en diverses manières en la pratiquant, et dont la principale est qu'elle nous fait imiter en quelque sorte notre Seigneur, je dis en quelque sorte, parce que, tout bien considéré, on ne nous accuse jamais d'avoir failli, que nous ne soyons tombés dans quelque faute, puisque nous y tombons sans cesse, que les plus justes pêchent 7 fois le jour, et que nous ne saurions, sans faire un mensonge, dire que nous sommes exempts de péché. Ainsi, quoique nous n'ayons pas fait la faute dont on nous accuse, nous ne sommes jamais entièrement innocents, comme l'était notre bon Jésus. Mon Dieu, quand je considère en combien de manières vous avez souffert, sans l'avoir mérité en nulle manière, je ne sais que dire, ni où j'ai l'esprit lorsque je ne désire pas de souffrir, et je sais aussi peu ce que je me fais lorsque je m'excuse. Vous n'ignorez pas, ô mon tout et mon bien unique, que s'il y a quelque chose de bon en moi, je le tiens de votre pure libéralité. Et, qui vous empêche, Seigneur, de me donner aussitôt beaucoup que peu, puisque, si vous vous reteniez de me donner, parce que je ne le mérite pas, je mériterais aussi les faveurs que vous m'avez déjà faites? Serait-il possible que je voulusse, qu'on dit du bien d'une créature aussi mauvaise que je suis, sachant combien de mal on a dit de vous, qui êtes le bien suprême? Ne le souffrez pas, ô mon Dieu, ne le souffrez pas. Je ne voudrais pour rien au monde, que vous permissiez qu'il y eût la moindre chose dont votre servante qui fût désagréable à vos yeux. Considérez, Seigneur, que les miens sont pleins de ténèbres, et qu'ainsi le moindre objet les arrête, illuminez-les, et faites que je désire sincèrement, que tout le monde m'ait en horreur, puisque j'ai cessé tant de fois de vous aimer, quoique vous m'aimiez si fidèlement. Quelle folie, mon Dieu, est la nôtre, quel avantage prétendons-nous de satisfaire les créatures, et que nous importe qu'elles nous accusent de 1000 fautes, pourvu que nous n'en commettions point en votre présence? Ô mes filles, qu'il est vrai que nous ne comprenons point cette vérité, et qu'ainsi nous n'arrivons jamais au comble de la perfection religieuse, car, pour y arriver, il faut considérer et peser beaucoup, ce qui est en effet et ce qui n'est qu'en apparence, c'est-à-dire, ce qui est défectueux au jugement du Créateur, et ce qui ne l'est qu'au jugement des créatures. Quand il n'y aurait en ceci d'autre avantage, que la honte que recevra la personne qui vous aura accusé, de voir que vous vous laissez condamner injustement, ne serait-il pas très considérable? Une de ces actions instruit et édifie quelquefois davantage une âme que 10 prédications ne le pourraient faire, et la défense de l'apôtre, jointe à notre insuffisance, nous rendant incapables de prêcher par des paroles, nous devons toutes nous efforcer de prêcher par nos actions. Quelque renfermé que vous soyez, ne vous imaginez pas que le mal, ou le bien que vous ferez puisse être caché, et, quoique vous ne vous excusez point, croyez-vous qu'il ne se Trouve pas des personnes qui prennent votre défense et qui vous excusent? Considérez de quelle sorte notre Seigneur répondit en faveur de la Madeleine, dans la maison du pharisien, et lorsque Marthe, sa sœur, l'accusait devant lui-même. Il n'usera pas envers vous de la rigueur qu'il a exercée envers soi-même, en permettant que le bon larron ne prit sa défense que lorsqu'il était déjà attaché à la croix, mais il suscitera quelqu'un qui vous défendra, et si cela n'arrive pas, ce sera pour votre avantage. Ce que je vous dis est très véritable, et je l'ai moi-même vu arriver. Je ne désirerais pas néanmoins que ce fût ce motif qui vous touchât, et je serais bien aise que vous vous réjouissiez de n'être point justifié. Que si vous pratiquez ce conseil, le temps vous en fera connaître l'utilité, car on commence par là d'acquérir la liberté de l'esprit, et l'on se soucie aussi peu que l'on dise de nous du mal que du bien, parce qu'on n'y prend non plus de part que s'il regardait un autre, de même que lorsque deux personnes s'entretiennent nous ne pensons point à leur répondre, parce que ce n'est pas à nous qu'elles parlent, ainsi nous étant accoutumés. Dans ces rencontres où l'on parle contre nous, à ne rien répondre pour notre défense, il nous semble qu'on ne parle point à nous. Comme nous sommes fort sensibles et fort peu mortifiés, ceci vous pourrait paraître impossible, et j'avoue que d'abord il est difficile de le pratiquer, mais je sais pourtant qu'avec l'assistance de notre Seigneur nous pouvons acquérir ce détachement de nous-mêmes.